زين خليني ما أظن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. طيب أمس أخذنا، طيب عندك يا محمد، أريد أن أذهب إلى المستوصف، لماذا أذهب منصوبنا؟ أذهب إلى المستوصف. أريد أن أذهب. بالآن. بالآن. طيب كم استقبل الآن شيء؟ حرف النزل. مستقبل. نعم. مصدر. ومصدر. طيب. أحسنت. كيف نؤول هذا؟ إذا قلنا حرف سيما تمنسي النصب. سكل الفعل داريا غسقاء. منصوب اي مستقبل سي مضارع سي فيتور والمصدر ما معنى مصدر هنا اذا قلنا اريد ان اذهب الى المستوصف المصدر ذهب ذهاب أريد الذهاب إلى المستوصف طيب أن كيسكو في جيغ طيب عندك يا مهدي ندرس اللغة العربية لنفهم القرآن الكريم إلى آخر نفهم لماذا منصوب أحسنت طيب كيف كنا في دي سورسا يا أيمن للتعريف لا أن يكون ما بعدها علة لما قبلها سيس كيف يعني أبخي سيس كنت يدي بارك الله فيك ندرس اللغة العربية مفهو ندرس اللغة العربية لنفهم القرآن سفدير لزيتود سيكوا C'est-à-dire la compréhension du Coran, c'est lui la cause de quoi ? De tes études. Mais faut ? C'est ça que tu avais pas ? Parce que moi j'avais noté ça. Qu'est-ce que tu as noté exactement ? C'est ce que je t'ai dit. Moi aussi. C'est ça que tu as passé le tarif. Hein ? Tu n'as pas dit tarif. Elle va le passer. Tu as dit ça, mais moi je me suis fait sortir. En instant, il parle, après vas-y, toi dedans. Tu avais dit ça, il y a un tarif. Je l'avais écrit. Qu'est-ce que j'ai mis ? Ce qui est avant est la cause de ce qui arrive après. Après, tu as dit, Yakoun est la vie Kabla, l'âme. En Yakoun ma ba'da, illa lima Kabla. Tu as dit, la vie Kabla, l'âme, Yakoun sababan, l'âme. C'est ce que j'ai dit. Non, alors c'est une erreur. Ce que les frères disent, c'est ce que tu dis. Ce qui précède est la cause de ce qui suit. Voilà. Non, mais eux, ils ont dit ce qui vient. C'est-à-dire ce qui était au début. Alors le mieux, c'est rectifier. Voilà. On a pris rectifié alors. Taïb, barakallahu fik. Taïb, mettez le tarif. An yakoun ma ba'daha illa lima qablaha. Taïb. Wa sababan lahu. Taïb. Je répète. Yakoun ma ba'daha, c'est-à-dire l'âme ta'li, illa lima qablaha wa sababan lahu. Taïb. Quand on a dit par exemple, qama al mudarris li yaktuba ala sabura. Mufoum? فالكتابة هنا سبب لماذا؟ للقيم. C'est compris? C'est rectifié là? Tout le monde a compris là? Il ne faut pas gêner les frères. Hein, si vous voyez une erreur, tout ça. طيب, amen. Allah yabarik fik. طيب. طيب, cet exemple à toi, amen. Si je dis kharajtu min al-fas li ashruba al-ma. C'est-à-dire le fait de boire de l'eau, ça a été la cause de quoi ? De la sortie de la classe. Mais fouma hakada, inshallah ? C'est comme ça, Wahabi ? Tout le monde a compris, là ? Hein ? Non, bah là, c'est... C'est le fait de sortir, c'est la cause de... Non, mais par rapport au ta'rif, yakoun ma ba'daha lam ta'lid, illa lima qablaha. Non, mais fouma là ? C'est compris, là, inshallah ? C'est-à-dire, c'est quoi qui t'a fait sortir de la classe ? Le fait de boire de l'eau. Voilà. C'est quoi qui t'a fait écrire au tableau ? Le fait de sauter. Ah, bah ouais. C'est quoi qui t'a fait voyager ? Par exemple ? c'est d'être venu à Damas les talab al aim. Ouais, ça peut, mais par rapport au tarif. Ah, vous laissez avec le tarif en langue arabe. Parce que si vous prenez la, une autre terme, signification, mais sinon le tarif dans les livres de Nahou, la ma ba'daha illa lima qablaha wa sababan lahu. Tout le monde a compris, Inch'Allah ? Qu'est-ce qu'on a dit par rapport au lam ta'lil, ya Mohamed ? Ah, comme ça. Ça c'est beaucoup ou peu? Non, ça c'est pas. Le plus souvent c'est sans le N. Bah, et on peut le faire apparaître au Jouven ou au Jawazen? C'est-à-dire est-ce qu'on a le droit de le faire apparaître ou c'est une interdiction de le faire apparaître? C'est-à-dire Jawazen. C'est un exemple? Dis-la bien la phrase, au revoir parce que. Au rideau. Je vais aller à l'Arabie. Sinon, le mieux c'est de prendre un autre verbe. Mufum, nadrosu li an nafhama. Mufum, hada ahsan. Qama al mudarris li an an yaktub, par exemple, li an yaktuba. On s'est arrêté là, je crois. On avait lu les exercices. Elle a dit ça. Tayyib, bismillah. En tout cas, tout le monde a compris l'aim ta'lil là. Taïb, on en fait un dernier. Comme ça, tout le monde va voir ce qu'il a compris. Dakhaltu al-hammam li aghsila wajhi. Le fait d'aller au hammam, c'était la cause de laver. C'est-à-dire le fait que j'ai lavé mon visage, c'est ça qui était la cause de mon entrée aux toilettes. Nous faisons ça. Taïb. Non. Ah, levez pas les mains alors. Non. Tu t'appelles quelqu'un comme ça? Non, il m'a déjà pris. Khair, Inch'Allah. Taïb, bismillah. Lima tadrosouna l'ugha al-arabiya, ikhwan, Mohamed. Toi, tu m'as dit on s'arrêtait à la 10, non? 1 ou 10. Ah, on avait fait tous les exercices? Non, en fait, la lumière restait. Non, ça, je sais que c'est. C'est pour ça que je lui demande où on s'arrêtait à la 10. À la 6, Taïb. Lima kharaja zamiluka min al-fasl. Kharaja liyaghsila wajhahu. Liyaghsila wajhahu. Lima khalaqana Allah ta'ala. Khalaqana Allah ta'ala lina'budahu. Na'am. Lima qama al-mudarris. Na'am. Lima تذهب الى الى مكتب البريد الان لانني اريد ان ادرس ها عندي دي بايك نوز vraiment regarde il y a un verbe entre parenthèses après tu vas à la poste pour aller étudier parce que je venais juste de trouver je Mahdi, regarde bien la réplique. La neuf. Demande. Rendez moi, Ayman, vas-y, s'il te plaît. Lima tadhabu ila maktab al barid al-an. Tadhabu ila maktab al barid li akhudh risala. Taïb, risala. Mahdi, la poste, on va pas pour étudier la poste. Mais je crois que c'est en dessous. Non, même, par exemple. Même si tu crois que c'est en bas, en haut. Quand quelqu'un il te parle, même sans lire, tu peux trouver la réponse. C'est vrai, non? Eh ouais. L'imada tadhab ila al-masjid. C'est pas possible, ça. Même si j'avais pas trouvé le mot. Je sais que la mosquée, c'est fait pour les études, la prière. Hein? Oui, Parce que ce n'est pas une excuse, même s'il n'y a pas de tashkil. Demain, par exemple, je lis un texte là. Dakhaltu fil masjidou. Je le lis comme ça. Fil masjidi, ce sera quoi? Une faute de frappe. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, d'accord. Concentre-toi. Taïb. Taïb, bismillah. Lima tadrusuna al-lughat al-arabiya, ikhwan. أحسنت بارك الله فيك طيب في الموضوع كومبري إن شاء الله تأمل ما يلي لا يمكنك لا يمكن أن تجلس هنا هذا مقعد عثمان يمكنك يمكن أن تخرج من الفصل الآن يمكنك الخروج من الفصل الآن طيب أيمكنني أيمكن أن أخذ هذه المجلة إلى البيت أبي مريض جدا لا يمكنه أن يذهب إلى المصنع هذا يمكن وهذا لا يمكن طيب صبرك الله فيكم يمكن déjà si je vous le traduis il est possible طيب c'est le verbe amkana طيب amkana et ça c'est des verbes si vous voulez je vais vous les citer. Hein, je les ai écrits parce que c'était intéressant. Il y a des verbes comme yajuz. Hein, écrivez ça. Ou par exemple hawala. Yajuz, ce serait il est permis, possible. Hawala, yuhawilu, essayer. Istata'a, pouvoir. Khashiya. Yarsha, c'est craindre. Khafa, yakhafu, avoir peur. Al-ahsan, il est préférable. Arada, yuridu, vouloir. Uhibbu, yuhibbu, aimer. Raja, yarju, souhaiter. Yajibu, il faut. La boudmine, également, il faut. Ça va trop vite? Non, ça va un peu trop vite. Dites-nous. Taïb? J'en ai plus un des camps, je récupère. Totalement. Taïb. Aleika, il te faut. Yambari, il convient. Amara, ordonné. Oui. Tous ces verbes que je viens de vous donner, il faudra lui mettre quoi? N, si tu veux le faire suivre d'un verbe. Le fond? Et ça, c'est une faïda, mashallah. T'en as besoin d'entendre parler. Et c'est des verbes que tu peux utiliser régulièrement. Tu vois? Même mon prof, Abou Bilal, hafidallah, quand je lui ai fait voir, il a dit mashallah. Il y en a beaucoup, ils sont. Tu vois? Et très peu peut savoir ça. Le fait d'utiliser ces verbes-là avec la particule « n ». Ça veut dire « barakallahu fik ». Quand tu vas utiliser un de ces verbes, par exemple, tu dis si on prend « yambari ».« Yambari »« an tadrosa l'ugha al-arabiya » La taqul « yambari »« tadrosu » Me foum ?« Tastati an tadhaba al-an ila shikh » Me foum ? Il y a quoi également ?« Yumkinu an tajlisa huna » Il y avait quoi encore ?« Yajuz » أن تذهب إلى مكة هكذا. Vous avez compris? Après, plus tard, Inch'Allah, on verra quand est-ce on utilisera أن. Par exemple, علم أنه مريض. On ne dira pas علم أن مريض. Bon, et ça, c'est important. Quand est-ce tu utilises la particule أن et أن. Bon, pour pas que tu mélanges. C'est bien compris ça, Inch'Allah? Qui n'a pas compris cette faïda? Parmi les verbes. Ouais. Il y avait la boude d'amine. Non. C'est-à-dire la boude d'amine, tu dis ? Ah voilà, c'est-à-dire après tu le fais sur avec un verbe. Regarde, je vais bien répéter, Inch'Allah. C'est-à-dire tous ces verbes-là, quand tu vas faire suivre, c'est-à-dire tu vas utiliser un verbe, tu mettras N. Vous avez compris ça ? Vous comprenez ce que je dis là ? C'est comme si tu dis Oridu en akula. La taqul oridu akulu. Me foum ? Pourquoi? Parce que arada, c'est un verbe qui a besoin de n après et d'un verbe. Vous avez compris ? Mais maintenant, si tu ne ramènes pas N, tu vas ramener quoi ? Le masdar, ahsant. Ah, c'est comme on disait quoi ? Uridu, dhihaba, ila al-masjid. Mais si j'ai utilisé N, je mettrais quoi ? N et son verbe. Ahsant, c'est-à-dire quoi ? Uridu an adhaba ila al-masjid. Akhsha an yadribani. On a utilisé le verbe khashiya. Akhsha, on va dire quoi ? Darabani ? Là, on ramène N. Hakada. Tout le monde a compris, Inch'Allah ? T'as vu ? Après, qu'est-ce que je voulais dire également ? Et le plus souvent, vous verrez quoi ? Derrière ces verbes, c'est le plus souvent. Ce sera mef'ul bi. Au fond ? Voilà. C'est-à-dire le masdar, quand tu vas le changer, parce que le masdar également, il a une place d'analyse grammaticale, il est mef'ul bi. Hada wal akhtar. T'as vu ? Et moi, si je vous ai donné ça, c'est quoi ? C'est que c'est profitable et utile pour vous. Et même pour moi, alhamdoulilah, quand j'ai vu ça, j'étais très content. Et c'est pour ça que je les ai écrits. Et alhamdoulilah. Tu vois ? Al-Ahsan, on dira quoi ? Mais nous, utilise Ahsan. Al-Ahsan, tu diras ? Had, par exemple. Al-Ahsan, Al-Nadrosa, fi Damaj. Al-Ahsan. Barakallahu fik. Hawala, tu peux essayer, Mohamed ? Hawala ? Hawaltu an af'ala jumla. Ahsan. Hawaltu an atiya, par exemple, bi jumla. Ou bi mithal. Taïb. Taïb. En tout cas, si vous apprenez-le par cœur, et ça va beaucoup vous aider. Taïb. En ce qui concerne ça, il n'y a que ça. Tu peux répéter les verbes après un khaf. Il n'y a pas de mal. Je vais vous les répéter. Taïb. À partir de khafa, tout le monde dit khafa. Il n'y a pas de problème. Khafa, c'est bon. Après khafa, on a dit quoi ? Al-Ahsan. Taïb. Et avant khafa ? Alors avant. Non, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Khashia, il y avait. Taïb. Khashia, crainte. Barakallahu fikoum. Taïb. Après khafa ya khafu, avoir peur. Al-Ahsan, il est préférable. Arada yuridu, vouloir. Uhibbu, yuhibbu, aimer. Raja yarju, on va le voir dans le texte également, c'est souhaiter. Arju, par exemple quoi, arju an tadhhab al-an ila al-masjid. Fahom? Tayeb, c'est bon? Yajibu, il faut. La boud min, il te faut également. Ou il faut. Non, il faut. La boud min, il faut. Aleika, il te faut. Par exemple, عليك أن تصدق مع الله. هكذا. عليك بالاجتهاد. أن تجتهد. طيب. ينبغي, il convient. Et أمر. Par exemple, شيخ أمرني أن أذهب, par exemple, إلى المدينة أو إلى آخر. ينبغي, son sens, un peu de. ينبغي, il convient. Allez, qu'à un autre sens, il te faut. Ouais, non, tout dépend comment tu l'utilises. Allez, qu'à par exemple, allez, qu'à qu'est-ce que tu veux dire ? Je crois que tu comprends qu'à allez, qu'à allez, qu'à comment ? Je crois que tu comprends qu'à allez, qu'à le Coran, quoi, déjà allez, ouais, j'ai une preuve contre toi, c'est ça qu'il veut dire. Voilà, c'est bon, Inch'Allah, les frères. C'est-à-dire quand on a. C'est-à-dire tous les verbes qu'on vient de dire là, yumkino, il t'est possible. On va en prendre un. Voilà le premier. La yumkino ka, la yumkino an tajlisa huna. Taïb, comment traduire ça ? Il t'est possible de t'asseoir ici. C'est bon, tout le monde a compris, Inch'Allah ? طيب تأمل الأمثلة 11 منذ على اساس ان حرف جر et on verra également plus loin à la fin du 2 également il y aura ou dans le 3 on parlera de ça également طيب ici c'est au niveau du zaman hein alors que min par exemple souvenez-vous c'est un حرف جر mais au niveau du quoi du makan خرجت من البيت الى المسجد اما منذ حرف جر هنا في هذا المثال وفي هذه الأمثلة حرف جر معناه للزمان ما رأيت محمدا منذ يوم الجمعة est-ce que c'est un temps ou un lieu ça temps depuis le jour du vendredi يوم الجمعة hein mais faut ماذا pour ça je vous ai donné l'exemple de min là pour vous comprenez la différence hein إذا قلت لكم خرجت من المسجد إلى البيت min c'est quoi un حرف جر mais il a sens de quoi المكانية c'est d'un endroit أما هنا ما رأيت محمدا منذ يوم يوم الجمعة de quoi depuis c'est-à-dire un temps طيب on s'arrête où la lecture تفضل يا عبد هو غائب منذ أسبوع نعم أحسنت نسكن في هذا البيت منذ سنتين très bien هو مريض منذ رجوعه من بلاده نعم أعرف هذا الشيخ أعرف هذا الشيخ منذ خمس سنوات نعم très bien tout le monde a compris inshallah شيخ comment شيخ j'ai pas compris celui-là شيخ شيخ ouais parce que moi je te l'ai dit dire شيخ parce qu'il est ici il est quoi il est منصوب بدل طيب Shir, ça peut être un homme de science et une personne âgée. Il faut. Ta'am al-mayali. Hua yara, anta tara, ana ara, nahnu nara. Taïb. Yada al-mudarris ashia ala maktabihi, au yarsim ala saburati ashia, wa yas'al. Kulla min at-tulla, mada tara ala al-maktab, ala sabura, wa yajibu talib, wa yakul, ara qalaman, kitaban, wa sa'atan. Là, il te donne comment utiliser le verbe ra'a. Taïb. Ici, il y a une faïda, inshallah, vous allez la comprendre si vous voulez. À la base, c'est le verbe ra'a. Taïb. Hein, quand tu le vois ici. Regardez bien. Et là, au mudara'at, il y a quoi ? Yara. Normalement, qu'est-ce qu'on devait retrouver ? Al-hamza. Après le ra. C'est vrai ou non ? Mais ils disent il a été supprimé les kothrat al-isti'mal. Hein? Comme on utilise beaucoup ce verbe, on l'a supprimé. Tu vois? Tu dis pas comment il y a ra'a akada. On a supprimé l'hamza elle a dit ba'd ar-ra fi yara. Taïb. Grand 13. Ta'ammil mayali arjo. Fait partie des verbes qu'on vient de parler. Et là, il a quel sens ici ? C'est souhaiter. Arju an tasmaha li bil julus huna. Hein ? C'est-à-dire, je souhaiterais que vous me permettez, par exemple, an tasmaha li bil julus huna. Hein, que vous me permettez ou que vous me pardonnez de m'asseoir ici. Et ça, c'est une formule polie. C'est-à-dire, si tu as parlé avec un frère que tu ne connais pas ou avec un shir, et tu dis cette. Arjou ya cheikh an tasmaha li an azuraka ghadan hakada tu vois c'est une formule de politesse qui est bien à utiliser et à même apprendre c'est compris ça inchallah les frères طيب arjou an tasmaha lahu bil khuruj طيب ça veut dire si par exemple tu es chez quelqu'un tu dis arjou an tasmaha li bil khuruj akhi Allah ybarak fik tu vois tu dis pas voilà akhruj il y a pas de mal mais si tu veux parler le bon arabe bon أرجو أن تسمح لنا بالدخول. طيب. également la même chose. tu frappes chez quelqu'un. أرجو أن تسمح لي بالدخول يا شيخ أو يا أخي. لو سمح هكذا. أرجو أن تسمح لحامدين بزيارتك. طيب إن شاء الله. c'est le verbe en lui-même c'est رجا. hein comme on avait dit. رجا يرجو. هذه أسماء فصول السنة. hein c'est les noms de quoi des saisons de l'année. الشتاء c'est quoi l'hiver الربيع le printemps, al-sayf, l'été, al-kharif, l'automne. طيب الكلمات الجديدة عطلة vacances. العام المقبل l'année prochaine. الذباب جمع ذبان la mouche. طيب مصر ça peut être, ce qui concerne c'est l'Égypte ou ça peut être un endroit tu vois je regarderai ça houdou comment ce sera ism al-jins ici tu vois c'est-à-dire la comment on avait dit samakatun tufahatun tu vois c'est ils appellent ça ism al-jins tu vois i'lan houdou je l'ai pas traduit hein. Silence calme i'lan annonce ahlun famille épouse me faut vous avez compris ça l'ahl il peut avoir plusieurs sens t'as la famille également l'épouse Zarfun, jam' zorof, enveloppe. Dawda'u, bruit, vacarme. Asha'un, dîner. Ilajun, remède. Samaha, yasmahu, pardonner. Zara, yazuru, visiter. Bada'a, yabda'u, débuter, commencer. Amkana, yumkinu, on avait dit quoi ? Possible. Il était possible, hein ? Baqa, baqiya, yabqa. Rester. Vous. Bazaka yabzuko crashi. Une annonce. Annonce. Yalan, annonce. Tu avais compris quoi, toi ? Moi, c'est ça, je pense. Non, demande. Le fait de faire une annonce. Enfin, une annonce. C'est une annonce. Non, j'ai dit annonce. Tu vois ? Et annoncer, c'est le verbe. J'ai pas le temps d'écrire. Comprenez, quand je dis un mot, Afana, si je dis annonce, c'est pas annoncer. I'lan, c'est quoi ici? C'est le masdar. Là. Si je dis dokhol, c'est rentrer? C'est ce que j'ai mal traduit là. Alors imagine-toi, tu vas c'est-à-dire conjuguer dokhol. Ah, dokhol, comment on va le traduire? Entrer. Entrer. Mais faut. L'entrée, mais faut magada. Alors, i'lan, c'est quoi? Annonce, c'est-à-dire une annonce. Et le verbe, c'est quoi? Qui connaît? A'lana. Hein? Mais faut. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Acha ou? J'ai pas noté. Dîner. Dîner? Non. À côté? Rinage, c'est remède. Et comme il reste un peu de temps, on va lire un hein, channel texte.